Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. Vous écoutez Fréquence Protestante et la 50e mécanique des ondes, 50, et oui, et pour cette 50e, nous allons la passer en compagnie d'un nom bien connu de la bande FM, et notamment des premières années d'une certaine Roche du Ciel, aussi connue à l'époque comme la Super Radio, où il a par ailleurs croisé le chemin d'une certaine Super Nana, un super parcours qui s'est poursuivi jusqu'au micro de France Bleu aujourd'hui. Mon invité se nomme Laurent Petit-Guillaume, bienvenue dans la mécanique des ondes. Bonjour Eddy, bonjour à tous, merci. Et merci à vous d'avoir accepté l'invitation, c'est un plaisir de vous recevoir ici. Ben c'est réciproque, hein. Écoutez, moi j'aime bien ce genre d'aventure. Surtout pour la richesse de votre parcours, moi je me souviens, enfant, vous avoir découvert à la télé sur M6, dans un jeu télévisé musical je crois. Oui, qui s'appelait Zigo Music. Voilà, on aura peut-être l'occasion de reparler télévision un peu au cours de cette émission, mais pour l'heure nous allons commencer déjà par écouter votre parcours radiophonique qui est bien rempli, et on va commencer par le commencement. Oh là. Vous êtes actuellement au micro d'une radio associative. Est-ce que cela vous rappelle des souvenirs ? Ah bah oui, parce que j'ai démarré sur une radio, mais qui était plus qu'associative, qui était installée dans un petit appartement du côté de la porte des Lidas. Alors en fait, c'était pas associatif, c'était une radio qui était issue de Pôle Emploi, qu'on appelait la NPE à ce moment-là, et qui était censée former certaines personnes au métier de la radio. Peut-être pas les former parce qu'on n'avait pas de formateurs, on faisait de la radio un petit peu de manière extrêmement libre. C'est l'époque des radios pirates, des radios à peine libres, mais quand même un petit peu. Voilà, vraiment les premiers balbutiements, tout du moins à Paris. Et quel était son nom à cette radio ? Alors, elle s'appelait Mercure 104, voilà. 104 comme la fréquence, non ? Oui, voilà. Et puis, j'y suis pas resté longtemps. En fait, moi, je ne travaillais pas pour Mercure 104, pour l'anecdote. J'accompagnais une amie qui, elle, était censée faire ce stage de formation pour s'ouvrir au métier de la radio. Et comme elle dormait peu, j'étais un très bon ami. J'allais la chercher chez elle, je l'amenais en voiture. Je la posais devant le micro et après normalement j'allais travailler. Mais parfois elle était un petit peu endormie, donc je l'accompagnais dans ses efforts pour faire de la radio. Et puis finalement, petit à petit, c'est devenu, c'est une fois par semaine ou deux fois par semaine, samedi et dimanche. Et petit à petit, on s'est devenu un duo. Et puis ça nous a plu. Et donc, une fois qu'à Mercure 104, on avait fait un petit peu le tour de la question, on est allé chercher du travail sur d'autres radios. Voilà, petit à petit, et pour aboutir enfin, mais assez longtemps après, peut-être 3 ans après, passer du bénévolat à mon premier contrat. Et là, c'était une radio qui s'appelait Skyrock et qui venait de naître, puisque moi, j'étais auparavant sur une autre petite radio parisienne qui, elle, s'appelait La Voix du Lézard, qui n'émettait que sur Paris. Et puis, ça marchait plutôt bien. On avait une très belle réputation. C'était une radio pour les jeunes gens modernes de la ville, de la capitale. Et puis un jour, le créateur et patron de La Voix du Lézard nous a réunis tous dans son appartement et nous a expliqué que stop, nous ne serions plus une radio parisienne, mais petit à petit nationale. Ah bon, comment est-ce possible ? Bah oui, vous serez écouté petit à petit dans une ville, deux villes, trois villes, quatre villes, et puis après dans toute la France. Bon, d'accord. Mais pour cela, nous allons changer de nom et puis nous allons changer également de programmation musicale. Certains ont protesté, même ont abandonné l'aventure, ont décidé que non, il ne fallait absolument pas devenir une radio top 50 entre guillemets. Alors, est-ce qu'il y avait aussi cette crainte de perdre une certaine liberté au niveau de la programmation? Non, alors liberté d'expression, non. Liberté de programmation, oui. Voilà, c'est ce qui a d'ailleurs effrayé certains animateurs, certaines animatrices, dont ma collègue d'ailleurs avec qui je formais le duo, qui elle a dit non, moi je ne me plierai pas à cette décision, je préfère aller travailler autre part. Mmh. Moi j'ai dit, je sais pas, et puis le patron, Pierre Bélanger, pour le citer, est venu me voir, il m'a dit bon, qu'est-ce que tu fais ? Ben, moi je dis, moi je reste le samedi, il me dit non, toi tu vas venir faire de la radio tous les jours. Ah non ? Non, pas tous les jours. Si, tu vas être payé. Ah bon ? Bon, ben, je sais pas. Et en fait, j'ai refusé. Parce que je gagnais très bien ma vie à côté. Et puis finalement, il est revenu me voir, il m'a demandé combien je gagnais à côté, et il m'a dit, bah tiens, je te donne un petit peu plus. Et là, j'ai commencé à faire de la radio professionnellement. Alors, si c'est pas indiscret, à quoi vous destiniez professionnellement à ce moment-là ? Ah, sincèrement, je ne sais pas. J'avais envie de travailler dans le monde de la musique, je me voyais plus je voulais m'occuper des autres. Je me voyais plus comme manager un groupe de musique, ou peut-être plus dans l'écriture que dans la parole. Puis j'avais pris goût à la radio, hein, parce que depuis 2-3 ans, j'en faisais bénévolement. J'avais pris goût, en fait, au fait de partager mes goûts musicaux. Ça, voilà, j'avais comme une mission à remplir, faire connaître des groupes, des artistes. Et d'ailleurs, c'est vraiment encore mon moteur aujourd'hui. Ça me plaisait, ça, de faire découvrir à d'autres, à ceux qui nous écoutent, des artistes que moi, je trouvais formidables. Bon, bah voilà. Après, effectivement, je me suis plié aux décisions qui étaient de passer de la musique que je n'aimais pas a priori. Mais quand on fait ce métier, qu'on est sur une radio, qu'elle s'appelle Skyrock ou Energy ou tout ce que vous voulez, ou radio classique, si on a la chance d'avoir un micro, eh ben, on aime ce qu'on passe puisque ça a été décidé, puisque c'est la mission de la radio pour laquelle on travaille. Donc on a obligatoirement, on n'a pas le choix, mais en même temps, c'est un choix assumé, ce non-choix. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. je vais pas arriver sur une radio en disant bonjour, je suis très content d'être avec vous sur FM. Mais alors franchement, là, je vais vous passer un disque. Hein. Moi perso, j'aime pas ça. Je l'ai fait, mais parce que à un moment donné, sur Skyrock, on avait une telle liberté qu'on pouvait dire tout et n'importe quoi, et qu'il y avait quand même une volonté de notre directeur d'être un petit peu dans, comment dirais-je, d'être un petit peu pas dans l'agressivité, mais dans... Poil à gratter un peu. Non, ouais, voilà, c'est le bon terme. Poil à gratter. Mais surtout, c'était un peu le temps de Skyrock, oui, à l'époque. Ouais. Bon, musicalement, bon, ça a marqué toute une génération d'auditeurs. Et puis, il y a surtout l'habillage. Ah oui, c'est vrai. Avec c'est très important, ça. Ah oui, avec des voix énormes, des petits scénarios de science-fiction radiophonique. On partait dans les étoiles avec des bruits de pcha, pcha, pcha. Ça, c'est la folie du créateur de cette radio. Et je crois que ça le poursuit. Et du coup, à cette époque sur Skyrock, ouais, donc on vous retrouve... Pendant 11 ans. Du premier jour. Et puis, en fait, ça s'est terminé une fois que c'est devenu une radio rap. D'accord. Pour moi. On va y revenir. Mais donc, vous, ce que vous faisiez à cette époque, en tout cas sur les premières années, c'était le Skytop. Oui. En fin d'après-midi. Oui. Skytop, c'était un classement quotidien. Hit-parade. Ouais, voilà. Hit-parade avec vous aimez cette chanson, appelez-nous. Et ben, comme ça, on la réécoutera le lendemain. Oui, c'est ce qu'ils font encore aujourd'hui avec les matchs, quoi. Bah oui, oui, grosso modo. Mais vous savez, moi, quand j'étais petit, j'écoutais des hit-parades à la radio. Hein, et puis j'aimais ça. Hein, et je téléphonais pour les chanteurs ou les chanteuses que j'aimais bien pour essayer de gagner un 45 tours en vinyle. Donc ça reste et ça restera parce que c'est sympa, c'est facile à faire et puis je crois qu'effectivement ça engage aussi l'auditeur à avoir un petit défi avec sa radio préférée. Et en 1992, là, il y a eu un petit moment crucial au sein de Skyrock, une rencontre qui vous aura marqué. Et pas que vous, les auditeurs aussi, puisque Skyrock recrute une certaine super nana avec qui vous avez formé très vite un duo à l'antenne. Mm-hmm. Alors moi déjà, je voulais savoir comment votre rencontre avait commencé. Est-ce que c'est la direction qui vous a proposé de faire un duo ensemble ou est-ce que c'est un choix de votre part ? Alors moi, je la connaissais parce que bien auparavant, je l'écoutais à la radio sur une radio qui, elle, a été très scandaleuse à son époque, mais on adorait ça, qui s'appelait Carbone 14. C'était une vraie personnalité de cette radio, donc je l'écoutais. Je l'avais un tout petit peu fréquentée, ayant fait quelques mois sur cette fameuse radio historique Carbone 14, qui fait vraiment partie de l'histoire de la radio en France. Donc je l'avais plus ou moins fréquenté de loin, j'admirais sa liberté de parole, ses grandes envolées lyriques dans tous les sens, et puis sa façon aussi d'être généreuse et scandaleuse en même temps. Alors quand on m'a proposé de faire un duo avec elle à l'époque, donc à Skyrock, mais alors j'étais ravi, mais j'avais un peu peur d'être submergé par cette personnalité. Et former un duo avec elle, c'était pas évident au départ, parce que quand elle l'ouvrait bien. Et puis on s'est tellement bien entendu, et on est devenus tellement amis, tellement complices, tellement dépendants l'un de l'autre, qu'on a formé un vrai duo radiophonique. Elle avait le côté... Je l'ouvre, je dis ce que je veux, j'ai une liberté d'expression, je peux aller très très loin dans la vulgarité même d'ailleurs, hein, elle l'assumait totalement, mais toujours avec une forme de générosité, de gentillesse, de second degré. Et moi j'étais là pour tempérer en disant « Oh non, faut pas dire ça !» Oui, bon, je le faisais Je suis très bon comédien. Mais j'avais toujours envie même de dépasser ces délires à elle. Voilà, donc c'était un duo assez équilibré, mais qui allait très loin. Alors évidemment, on travaillait la nuit, le soir, on faisait 22h, 1h du matin. Mais juste avant, si j'en crois ce que j'ai dans mes archives, oui. Vous faisiez aussi une tranche en fin d'après-midi. Ah oui. Qui s'appelait Turlututu, qui n'a pas fait long feu. Non, qui a été un tout petit peu, comment dirais-je, grondé par le CSA. Parce que effectivement, même si on n'utilisait pas les mots courants qui peuvent sembler extrêmement grossiers et vulgaires dans notre vie de tous les jours qu'on utilise, mais en radio c'est pas possible, sauf à minuit peut-être. Bon, on avait transformé ce vocabulaire, turlututu, etc., chapeau pointu, tout était imagé. Mais les auditeurs nous appelaient pour délirer avec nous et il y avait certains sketchs. Qui n'étaient pas des sketchs, c'était de l'improvisation, je veux dire. Bon, qu'on pas plu au CSA et on nous a dit stop, vous arrêtez. Alors on dit mais qu'est-ce qu'on fait? Et là le patron a dit débrouillez-vous, faites le même créneau mais vous faites rien. Donc on a inventé un jeu et une émission qui était l'émission où on ne gagne rien en ne faisant rien. Et c'était tellement fou que les auditeurs sont rentrés dans notre jeu de « Ah oui, oui, j'ai envie de jouer avec vous, mais surtout, je veux rien gagner, pas de problème, qu'est-ce que tu as à nous dire ?» Rien du tout. Et ça partait tellement dans tous les sens qu'au bout d'une semaine, 15 jours, je sais plus, le patron est descendu, il a dit « Bon, stop, on arrête, vous allez revenir le soir. Enfin, vous allez faire le soir comme ça, faites ce que vous voulez. » Et là, effectivement, ce sont des grandes, grandes, grandes émissions, des grandes envolées pendant plusieurs mois, 2 ans, 3 ans, je Ciel ne sais Mont-Roc, plus. C'était son nom, avec aussi des guests comme le prince de Hénin, absolument. Je crois, il y avait Manu Lévy qui passait de temps en temps. Tout le monde passait. Et alors moi je m'en souviens, j'écoutais sur internet les archives parce que j'étais trop jeune, mais Super Nana passait de temps en temps, souvent en direct, des coups de fil à toutes les autres radios. Tout à fait. De la FM parisienne. Tout à fait. Et alors le but du jeu c'était de dire bon on va appeler par exemple Radio Notre-Dame puisqu'on l'a fait, il y a pas de problème, on avait des copains, des copines un petit peu partout, ou peut-être Radio, on n'a pas fait avec Fréquence Protestante, je me rappelle pas, mais on aurait pu le faire. Donc on les appelait. Et même une fois, je me souviens, on avait appelé Macha Béranger sur France Inter, qui faisait la nuit, et on avait dit « Allô, Macha ?» Elle nous avait passé à l'antenne. « Oui, bonjour Macha, on est un tel et un tel de Skyrock et tout. » Elle avait joué le jeu en disant « Ah bah très bien, je vous passe à l'antenne, qu'est-ce que vous avez à dire ?» Et voilà, il y avait la même émission sur les deux radios avec les mêmes personnes, c'était du grand n'importe quoi. Et on faisait ça partout, hein, sur toutes les radios, hein, vraiment, vraiment. Et vous savez, cette semaine, en l'occurrence aujourd'hui... Pourquoi je dis cette semaine? J'ai reçu à la radio Thomas Soto, vous voyez qui est Thomas, oui. Le présentateur et journaliste de Complément d'enquête sur France 2. Et donc je l'interview parce qu'il a écrit un livre passionnant sur Roger Federer, c'est un passionné de tennis. Et il me dit « Ah, mais on s'est déjà rencontrés ». Je lui dis « Ah bon ?» Mais il me dit « Ben, je suis venu un jour assister à une émission de radio parce qu'on ouvrait la porte ». Tout le monde pouvait venir. Vous étiez un jeune auditeur à l'époque, ben vous auriez voulu venir participer à l'émission, il n'y avait pas de problème, la porte était ouverte. Il me dit, ben, je suis venu un soir et tout, vous étiez avec une dame un peu forte qui vous appelait Lachan. Ah, je lui dis, c'est pas possible. Il me dit, ouais, c'était avant que je fasse de la radio et tout. J'étais passionné de radio et je voulais absolument voir ce que vous faisiez et tout, et ça l'avait bien marqué. Ça m'a fait plaisir. Puis on voit qu'elle a marqué quand même toute une bande FM, puisque moi, je m'en souviens, le jour de sa disparition, c'était il y a bientôt 11 ans. Bravo, maintenant. Très bien. Tous les animateurs de toutes les radios, mais sans exception, ont tenu à faire un speak en hommage à Super Nana. Eh oui. Comme quoi, elle avait vraiment marqué. Mais moi, justement, est-ce qu'une émission comme Ciel Mont Roc à l'époque, aujourd'hui, ça pourrait se refaire? Absolument pas. Non, absolument pas, parce que on avait une liberté de propos démesurée. Même les disques qui passaient ne passaient sur aucune autre radio et on nous laissait faire. Parce que on ouvrait la porte et maintenant c'est plus possible de laisser la porte ouverte dans une radio et de dire vous voulez venir, bah venez. On a même eu des mômes qui sont partis malheureusement, qui ont fait des fugues pour venir et puis qui nous disaient bah j'arrive de Toulouse et j'ai pris le dernier train et je sais pas ce que je fais pour repartir demain, où est-ce que je dors? Ah ouais. Donc et puis on avait des personnalités beaucoup plus importantes qui venaient sous des faux noms. Des artistes connus qui utilisaient des pseudonymes pour venir jouer, rigoler, délirer avec nous. Non, c'est plus possible, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Il n'y a que Super Nana pour faire du Super Nana. Voilà, exactement. En tout cas, on ne l'oublie pas et on pense à elle. C'est bien, très on bien. On va poursuivre avec une première pause musicale et un morceau issu de votre sélection, Laurent Petit-Guillaume, c'est Imani. Oui. Avec You Will Never Know. J'adore. Thank you. breaks my heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. What I need from you, no. And you will never know. I will never show what I feel, what I need from you. Every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? From you, no. And you will never know. I will never show what I feel, what I need from you, no, no. No, no, you'll never know. No, no, no. Love me, love me, love me, love me, no. Will Never Know de Imani, choix de Laurent Petit-Guillaume, invité de la mécanique des ondes aujourd'hui sur les ondes de fréquence protestante. Alors, juste avant, nous avions parlé de vos années Skyrock, ouais. Des années marquantes. Oui, oh oui, bah oui, 11 ans quand même. Hein. Et alors, comment ça s'est terminé justement? Moi, j'ai entendu dire que c'était parce qu'il y avait un nouveau Skyrock qui se mettait en place à ce moment-là, en 94. Oui. 96 même. 96. Ouais, ouais, 96, c'est devenu rap. Mais c'est-à-dire qu'un jour, effectivement, vous savez, à l'époque, il y avait plusieurs radios qui se ressemblaient. Faut pas se leurrer, ça pouvait pas durer comme ça parce qu'il y a un marché publicitaire, il y a, disons, un auditoire à conquérir en permanence et on se partageait le même entre, on va dire, énergie, fun, Skyrock, peut-être d'autres d'ailleurs. Non, j'ai oublié le nom. Et donc un jour, Pierre Bélanger, le créateur et patron de cette radio, a pensé. C'est vrai que peu de gens à l'époque lui ont donné raison tout de suite, à penser qu'il fallait absolument s'ouvrir à un créneau qui commençait à bien fonctionner. Il y avait déjà des groupes de rap ou des chanteurs de ce monde du rap qui fonctionnaient bien en France. Je pense à MC Solar par exemple, ou d'autres plus anecdotiques qui avaient des petits tubes à droite et à gauche qui étaient pas mal. Et puis il y avait déjà NTM et IAM, les Marseillais de ce groupe. Donc il s'est dit, là il y a une culture qui est en train de grossir, de grandir, d'intéresser de plus en plus d'adolescents, mais aussi de jeunes adultes. adultes. Et bien ces gens-là, je vais vieillir avec eux. Ma radio va vieillir avec eux parce qu'ils vont vieillir, mais il faut qu'ils restent. Et puis surtout, il faut qu'ils aient une radio entièrement consacrée à leur univers musical. Et en plus, c'était un univers musical qui fourmillait de nouveautés, qui franchement prenait de l'ampleur de semaines et de mois en mois. Alors il s'est lancé, il a dit bon bah voilà, Skyrock va devenir une radio rap malgré le mot rock dans son titre, mais bon, c'est pas grave, aujourd'hui c'est rentré dans les mœurs. Et je précise, ça veut dire météorite, hein. Je l'ai précisé dans mon intro. Hein. Oui, c'est vrai. Pourquoi il y a une étoile sur le logo, à votre avis? Peu de gens le savent. Ah bah c'est vrai qu'on se demandait pas de temps en temps si lui-même n'était pas un martien. Bref, avec des idées comme ça. Et puis, bah voilà, après, cette radio, elle a fait son chemin. Hein. Aujourd'hui, elle va très très bien et elle accompagne des plusieurs générations d'auditeurs. Et puis, elle a réussi à être numéro un et d'être la première radio rap peut-être dans le monde, voire même en Europe, enfin plutôt en Europe. Mmh. Mais il y a beaucoup de gens qui n'y ont pas cru hein, à l'époque, ça je m'en souviens très bien. Donc moi, n'étant pas issu de ce milieu, je n'avais pas la crédibilité pour en parler de cette musique-là. Donc bah je suis parti où d'un commun accord, il n'y a pas eu de problème. Et puis j'ai rebondi sur une autre radio qui est RTL, donc je ne pouvais pas non plus regretter mon départ de Sky. Alors du coup, vous passez d'une FM musicale à une grande radio généraliste. Oui. Du coup, ça doit faire un sacré changement, non? Ça fait un sacré changement. Oui, mais finalement, vous savez, la liberté que j'avais vécue pendant des années à Sky, finalement, quand vous arrivez dans cette grande radio, eh ben, elle existe aussi. Il y a très peu de contraintes. Et moi, ils m'avaient choisi, je ne sais pas pourquoi, par ma façon de parler, peut-être en phase avec mon âge, et puis en phase avec RTL. Et en fait, j'ai jamais senti de contrainte. On m'a jamais dit non, vaut mieux dire ça que ça. On ne m'a jamais obligé à quoi que ce soit sur cette radio. Si ce n'est d'être naturel, de parler comme dans la vie. Parce que, bon, on le sait tous, hein, si cette radio est numéro un, c'est parce qu'elle parle aux Français, aux Françaises, comme on parle généralement dans les familles, entre amis, enfin, généralement, hein, bien sûr. C'est une radio populaire et moi, je venais d'une radio populaire. Donc, je me suis senti bien tout de suite et puis, j'ai jamais eu de soucis. Je me suis senti vraiment chez moi. Et vous y faisiez quoi sur Antenne d'RTL? Ah ben je faisais des jeux. Alors en plus, venant de l'univers du jeu en radio, parce que en dehors du fait que la nuit, on délire un petit peu avec ce qu'on a dit précédemment, j'avais déjà fait des jeux en radio et j'aime ça. J'aimais beaucoup ça. Et j'en faisais aussi. C'est grâce à la télévision aussi que je suis rentré sur RTL, hein, parce que j'étais à l'époque pas mal en télé. Et donc du coup, là, vous gagnez une certaine popularité, une certaine notoriété grâce à la télévision et ça arrangeait bien RTL. Alors justement, on va faire une petite parenthèse mécanique de la Lucarne. Pour évoquer un peu la télévision. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai quelques petits souvenirs de jeunes téléspectateurs sur M6. Oui. Il y a eu aussi Que le meilleur gagne sur France 2 où vous remplacez Nagui. Voilà. Mais il y a une émission particulière sur laquelle j'ai envie qu'on se penche puisqu'elle est en lien justement avec, avec la thématique de cette émission. Nous sommes au milieu des années 90 sur MCM avec une émission qui s'appelait Radio Mag. Ah oui, très bien. Oui, sur MCM, absolument. Chaque semaine, c'était un magazine sur le monde de la radio. Le monde de la radio en télé, personne ne l'avait fait. C'est encore unique aujourd'hui. Ben oui, je sais pas pourquoi, parce que c'est passionnant les gens qui font de la radio. C'est passionnant la radio. Et puis c'est tellement en lien avec nous tous, là. Tout le monde écoute la radio, quelle qu'elle soit. Il y a tellement de radios, tellement de belles radios en France. C'est merveilleux. On a une diversité incroyable. C'est d'une richesse vraiment exceptionnelle. Et chaque semaine, eh ben effectivement, je rencontrais des animateurs, des animatrices, j'allais dans les radios. Oui, c'est ça, c'est qu'il n'y avait pas de plateau en plus, et c'était vraiment tourné dans les studios. Avec les moyens d'MCM, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais c'était déjà bien. Formidable. Ouais, puis j'allais voir mes copains, alors c'était pas très difficile non plus pour moi. Hein. Donc voilà, oui, c'est vrai que ça a existé pendant, je crois, un an et demi peut-être. Il y a eu plusieurs numéros. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils sont archivés maintenant, tout est archivé grâce à Internet, et qu'on m'en parle beaucoup d'étudiants des écoles de radio trouvent ça formidable de regarder comment étaient les studios à l'époque. Et c'est vrai que c'était pas la préhistoire de la radio, mais quand on voit le matériel qu'on avait à l'époque, bah aujourd'hui, ça paraît tellement loin, c'était énorme. Et puis on avait les disques, figurez-vous. Enfin, on avait quand même des cartouches, des vinyles, et ensuite on avait quand même des CD. Maintenant, tout ça n'existe plus. Hein. Tout est dans la boîte. Il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton. Non, pas encore. Oh, c'est des fois sympa de faire de la radio à l'ancienne aussi. Oui, ça dépend bien. Pourquoi. Bon. Mais et du coup, selon vous, aujourd'hui, est-ce qu'une émission entièrement dédiée à la radio comme Radio Mag à l'époque aurait toute sa place dans le paysage audiovisuel? Bah oui, puisque de toute façon, vous voyez, le nombre d'émissions de télé qui parlent de télé Oui. Donc vous faites des émissions qui parlent de radio, c'est formidable parce qu'en plus... Mais c'est pareil, il y en a très peu. Alors des émissions qui parlent de télé, à la télé ou à la radio, il y en a beaucoup. Bah, ça pourrait exister. Moi je trouve que c'est le monde de la radio est aussi passionnant, autant passionnant que le monde de la télé. Il s'en passe des choses, il y a des renvois, il y a des scandales, il y a des gens qui essaient de faire des choses et puis qui marchent, et puis d'autres qui marchent pas, etc. etc. Non, bien sûr, faut lancer l'idée. Lançons-la. Avec vous à l'animation à nouveau peut-être ? Et puis vous, pourquoi pas ? Faut trouver une chaîne. Hein. C'est ça. Alors vous vous débrouillez. Moi, je fais plus de démarches. Bon, avec la TNT, c'est pas ce qui manque, je pense. Allez banco. Après, je sais pas. J'ai un physique de radio, donc. Ça n'existe pas, ça. Ah, c'est une légende ? Vous avez vu le nombre de gens qui font de la télé ? Oui, après, c'est vous voulez que j'en cite quelques-uns par rapport au physique ? Eh bien, allez. Qu'on parle des physiques faciles. Allez, balançons. Non, mais c'est vrai. Je sais pas, moi. Non, je veux pas citer de nom. Bon, regardez Cyril Hanouna au départ, il a pas un physique non plus. Je parle que de lui, mais même Arthur le disait à l'époque. Qu'il avait, oui. Il n'y a pas de physique. C'est quelqu'un qui vient de la radio, Arthur. Ah, complètement. Un grand passionné de radio. Et mon Dieu, alors là, si je puis me permettre, voilà quelqu'un qui manque. C'est à la fou. Radio. Bon, on referme cette parenthèse de la lucarne. Oui. Hop, retour à la mécanique des ondes. On va reprendre la suite de votre parcours radiophonique. Donc, RTL. Oui. L'aventure RTL aura duré combien de temps ? Alors, c'était assez épisodique, on va dire. J'ai fait un an un jeu dont j'ai oublié le nom. J'ai fait encore une année après, peut-être 2-3 ans. J'ai fait beaucoup de remplacements, les étés, les périodes de vacances. J'étais un peu le baladeur dès qu'il fallait faire une émission ou un jeu en direct d'un lieu X ou Y partout en France, je partais. L'été, je faisais la grille d'été, juillet-août, pendant au moins 4-5 ans. Et puis, j'ai fait une année assez passionnante, avec l'astrologue star de RTL, Christine Haas. On avait une émission tous les jours qui durait une heure et demie, me semble-t-il, en début d'après-midi, où évidemment les gens appelaient pour poser des questions, connaître un petit peu leur situation en fonction du thème astral. Et puis on faisait un suivi des cas et ça m'a permis d'abord de m'intéresser à l'astrologie et puis de vivre en direct certaines choses assez surprenantes. Voilà. Depuis, je suis pas non plus devenu astrologue, je vous rassure. Mais je fais comme tout le monde, je lis un tout petit peu de temps en temps mon horoscope et puis j'oublie immédiatement. Astrologue peut-être pas, mais vous avez refait un peu de musical aussi, puisque vous avez fait aussi un petit passage entre-temps sur RTL 2. RFM, oui. Période Radio en Or. Oui, absolument, pendant une année. RTL 2 pendant une année. Au début d'RTL 2, c'était assez intéressant aussi de voir cette radio qui était en train de naître et de grandir. RFM une année, et puis j'en suis parti pour faire je ne sais plus quoi, beaucoup de télé. Et puis je suis revenu à la radio sur RFM aussi d'ailleurs, pour la matinale, quelques temps plus tard. Et alors à ce moment, est-ce que la radio ne vous avait pas trop manqué ? Si, et moi c'est ce que je préfère faire, et ça tous les gens qui font de la radio vous le diront, de la radio et autre chose, tout le monde vous le dira. La radio c'est passionnant, c'est le direct, c'est la vie, on se rattrape à rien, si ce n'est à... faut parler, il faut jamais s'arrêter de parler. Et puis, il y a un contact avec les auditeurs qui est tout à fait particulier. Et puis, l'imaginaire, on fait fonctionner l'imaginaire des gens qui nous écoutent. Voilà, ça, c'est super intéressant. Ça m'avait manqué, mais j'ai eu l'expérience de la matinale. Alors là, que j'ai découvert, parce que ça, je ne l'avais jamais fait de ma vie. Donc, c'était un petit réveil à 4h30. Et puis, réveiller les gens, réveiller la France, c'est super intéressant. C'est très motivant. C'est formidable à vivre. Fatigant, certes. Mais je l'ai fait 2 ans sur RFM et 2 ans sur Nostalgie. Eh bien, on va en parler de votre vie de matinalier juste après une deuxième pause musicale. Encore un morceau de votre choix qui nous ramènera quelques années en arrière avec un nom de la chanson française, enfin une belge dirais-je, qui nous a quittés récemment. Oui. Ah ben merci. C'est Morane avec Toutes les mamas. Un peu d'artifice en plein jour. Laurent Petit-Guillaume, invité de la mécanique des ondes, qui a choisi ce morceau et qu'il aime bien, hein, ça parce se voit. Que, non mais c'est surtout parce que d'abord j'ai eu la chance d'être ami avec cet artiste exceptionnel, avec cette femme exceptionnelle, et que j'ai été choqué par sa disparition. Voilà, on a beaucoup parlé de cette disparition, j'ai entendu tout le monde dire qu'elle avait une voix sublissime, et ben, ça m'a fait plaisir. Mais vraiment, voilà quelqu'un... Parfois, on se pose des questions, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe là-haut pour qu'il réclame une personne comme ça, quoi. Voilà, c'est tout. Borane, donc à l'instant dans la mécanique des ondes, avec voilà. Toutes les mamas. Alors, Laurent Petit-Guillaume, nous reprenons notre parcours radiophonique. Oui. Donc là, vous devenez un lefto, si je puis dire. Ouais. Puisque là, vous, on vous retrouve sur RFM, oui. C'est aux alentours de 2008, oui. Dans une matinale que vous co-animez avec Stéphane Caza. Oui. Comment s'est formé votre tandem? Alors, pareil, imposé. À l'époque, le directeur d'antenne, je le connaissais. Tiens, d'ailleurs, c'était un ancien, vous qui savez tout du monde de la radio à l'époque. Mon directeur d'antenne s'appelait Sam... Sniper? Voilà, je sais pas comment faut prononcer. Sam Z. Il est un ancien animateur qui était devenu responsable. Voilà. Et puis, un jour, il m'a téléphoné. Il m'a dit, dis donc, ça te dirait de faire la matinale? Je dis, oh, sûrement pas. Ça, c'est pas du tout mon truc. Et en plus, je suis très occupé en ce moment. Il m'a dit, si, faut absolument le faire. Quand on fait un parcours radio dans la vie, faut faire des matinales. Non, il a réussi à me convaincre. J'ai dit oui au bout d'un certain temps. Moi, ça démarre toujours avec un nom, moi, comme au départ de... Bon, bref, j'ai rencontré Stéphane à l'époque, qui m'a beaucoup aidé à faire cette matinale, ainsi que le réalisateur. Voilà, parce que les matinaliers le savent, hein, c'est une équipe avant tout. Il faut vraiment gérer ça en équipe. Et c'était très plaisant, c'était très sympathique, c'était très fatigant parce que en parallèle de ça, je présentais la tournée Star 80 dans toute la France. Et c'est d'ailleurs grâce à cette tournée qui était à l'époque sponsorisée, on va dire, par cette radio RFM, qu'on est venu me chercher pour la matinale. Voilà. Ça, c'est pour l'anecdote. Donc, c'était un peu fatigant parce que le soir, je présentais sur les scènes du Zénith pendant 6 mois par an, à peu près 3-4 fois par semaine, des spectacles qui se terminaient à minuit, 1h du matin. Ouais, ça devait pas être la même façon d'animer qu'en studio, je pense. Non, c'est pas le même métier, mais n'empêche que le matin, fallait quand même que je me lève et que dans ma chambre d'hôtel, il y avait un réalisateur qui me disait « Allez hop, faut faire la matinale » avec Stéphane Caza en studio à Paris et moi à Quimper, à Lorient, à Marseille, à Nice, à où vous voulez quoi. Parce que la tournée partait dans toute la France environ 6 mois par an. J'ai adoré ça et ça a continué d'ailleurs puisque après les 2 années de matinale et de Star 80, enfin d'RFM Partie 80 à l'époque, je suis parti sur Nostalgie. Et la tournée est devenue une tournée nostalgie. Ça vous a suivi. Voilà, j'ai un petit peu œuvré de façon à pouvoir continuer à travailler sur ces deux plans-là. Et c'était toujours aussi fatigant, mais toujours aussi motivant. Voilà. Et depuis, donc, depuis... depuis, je me lève moins tôt. Voilà, aux 11h-13h, je crois, sur, oui, sur France Bleu. Ouais. Alors, comment vous êtes arrivé, justement, à France Bleu et au sein de la Maison Ronde? Eh bien, parce que je rêvais. Enfin, sincèrement, je rêvais pas. J'avais vraiment envie d'aller sur une radio moins musicale, même si c'est assez musical. Les radios musicales, comme celles dont on a parlé précédemment, ne vous donnent pas vraiment un rôle, comment vous dire. Quand on est bavard, quand on a envie, et c'est toujours une passion pour moi de transmettre à ceux qui nous écoutent des choses, on a envie de transmettre ce qu'on aime, sur la radio musicale, on est quand même un peu enfermé dans des petites séquences où il faut dire le nom de la radio, l'heure, etc., etc., et finalement, on ne sert plus à grand-chose. Moi, j'avais envie de retourner sur une radio où on peut parler aux gens, où on peut parler avec les gens, et France Bleu me semblait tout à fait logique. Et en plus, France Bleu était pour moi une continuité assez logique de, par exemple, de ce que j'avais appris d'RTL. Donc ça me semblait pas difficile d'aller sur France Bleu. Et dès votre arrivée, en plus, ça tombait bien, puisque vous avez repris les rênes d'une émission musicale et voilà, sur France Bleu. Ouais, d'interviews et de jeux, d'ailleurs, tout de suite aussi, donc tout ce que j'aime. Et aujourd'hui, effectivement, ces 2 heures sont consacrées à 1 heure de jeu, 1 heure d'interview, avec chaque jour une personnalité différente. Mais c'est vraiment les deux choses qui me passionnent le plus dans ce métier. Donc évidemment, je continue à être passionné et tant mieux, quoi. J'espère que ça durera très longtemps. Et juste pour terminer, après on va passer aux questions, on vous connaît en tant qu'animateur radio, animateur TV, comédien également. Ouais. Il y a eu aussi un livre politique qui s'appelle « Je vote ou je vote pas » avec... « Je vote ou pas » avec Laurent Grand-Guillaume. Ça ne s'invente pas. Ouais. Moi j'ai envie de savoir s'il fallait choisir un seul dans cette riche palette. Bah évidemment, ça serait la radio, mais il y a une autre partie de moi qui dirait, et puis la comédie aussi, parce que jouer, en ce moment je joue au théâtre en province de manière assez épisodique aussi, mais régulière depuis un an. Bah voilà, ça c'est deux, ça serait mes deux, voilà, je serais en équilibre sur les deux, que ça serait très bien. Un parcours très riche pour Laurent Petit-Guillaume, de Skyrock, Super Radio, jusqu'à France Bleu Paris aujourd'hui. France Bleu Paris, je me trompe pas. Ouais, c'est ça, absolument. C'est-à-dire et de temps en temps un peu sur le réseau national. D'accord. On va passer maintenant à la partie questions de cette émission. Et on va commencer par la question capsule. Je rappelle le principe, c'est comme une capsule temporelle. L'invité de la précédente émission, le mois dernier, pose une question à l'invité d'aujourd'hui. Et en l'occurrence, le mois dernier, nous avions reçu Émilie Mazoyer, grande passionnée de musique qui officie sur Europe 1 tous les soirs en ce moment et qui était ravie de pouvoir vous poser une question. Très belle voix. Cher Laurent Petit-Guillaume, c'est un plaisir de vous parler, vous qui m'avez enchanté des nuits entières avec Super Nana quand j'étais ado. Nous avons une amie en commun, cher Laurent, qui s'appelle Nathalie Elal, avec qui vous parlez beaucoup de cuisine. Alors j'aimerais savoir d'où vient votre passion pour la cuisine et pour ma copine Nathalie Elal. Ah, c'est super sympa, j'adore. Ma passion pour la cuisine... elle n'existe pas, mais ma passion pour la cuisine, elle existe quand même un petit peu grâce à Nathalie Elal. C'est-à-dire que j'ai beaucoup, beaucoup aimé travailler avec elle pendant 2 ans sur France Bleu Paris. On faisait une émission tous les jours et ensuite, ça nous a permis de réaliser aussi un livre. Ben voilà, parce que moi, a priori, je suis très difficile pour manger, pas pour cuisiner. Je cuisine pas. Et elle m'a appris à aimer des choses que je n'aimais pas a priori. Car il ne faut pas avoir de priori dans la vie. Et donc voilà, ça, elle est tellement passionnante que bah voilà, elle m'a transmis sa passion. Moi, j'ai adoré lui poser des questions. J'ai adoré découvrir des mets, des plats, des cuisines que je ne connaissais pas grâce à elle. Donc voilà, et c'est devenu effectivement une très grande amie. Une palette donc très large. On rajoute la cuisine. Donc. Bah exact. Ah oui, mais enfin c'est pas ma spécialité pour les temps qui viennent. Hein. Donc, pas de radio cuisine. Non, ça se fera pas. Très bien. On va passer maintenant pour finir au questionnaire rapide. Laurent, est-ce que vous êtes prêt? Oui, je suis prêt. Alors, une personnalité de radio qui pourrait être votre modèle? Mon modèle, peut-être pas parce que j'ai une liste très très longue, mais quelqu'un qui m'a donné envie de faire de la radio, qui m'a passionné en tant qu'auditeur, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques jours, c'est Pierre Bellemare. Voilà, homme passionnant. Je me souviens d'avoir l'oreille collée à mon transistor sur la plage pendant l'été quand il racontait ses histoires extraordinaires pendant que mes parents se baignaient. Moi, j'écoutais ça, je disais non, je ne veux pas y aller, je vais attendre la fin de l'histoire. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? Europe 1. Parce que j'écoutais ça quand j'étais gamin. Il y avait une émission animée par Jean-Loup Lafont, qui était mon animateur préféré à l'époque. C'était un genre de top 50, de hit parade, voyez, où on pouvait téléphoner et gagner des 45 tours, ce que je faisais d'ailleurs en cachette de mes parents très souvent. Quelle radio vous réveille le matin? Alors, plusieurs. J'ai un petit processus matinal qui ne change jamais, immuable. Alors, j'ai France Inter, pour commencer. Ça me réveille. Information, humour, etc., etc. Ensuite, je vais à mon ordinateur pour relever les infos avec France Bleu Paris. Tadala. Ensuite, je vais dans la salle de bain avec RTL. Et ensuite, je prends le bus en écoutant Nova. Quelle radio vous endort le soir? J'écoute pas la radio le soir. Vraiment jamais. Je sais pas pourquoi. Voilà. C'est les voix de la nuit, je ne les connais pas. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? Partout. Parce que j'ai, vous allez peut-être rire, mais j'ai encore ce qu'on appelle des transistors à piles. Alors j'en ai dans ma salle de bain, dans ma cuisine, j'en ai dans mes toilettes. Ça me suit partout et j'ai en plus toutes les radios sur mon smartphone. Les applications, je les ai et donc je les trimballe absolument partout. Voilà, donc partout. Donc je ne demande pas un endroit où vous l'écoutez jamais? Bah la radio, quand je suis à France Bleu. Mais pourtant vous l'écoutez quand même. Oui, mais je l'entends parce que voilà, elle est autour de moi, et heureusement d'ailleurs. Votre meilleur souvenir de radio? Oh bah c'est, on en a parlé évidemment, on a eu ce petit côté nostalgique dont vous me parliez tout à l'heure qui est tellement très... Voilà, ça ressemble à rien à ce que j'ai fait à l'époque avec Super Nana sur Sky. Donc évidemment, c'est un souvenir très fort. J'ai que des bons souvenirs radio, je crois. Mais le souvenir le plus fort reste celui-ci parce que il est surtout dû à la personne qui m'accompagnait ces soirs-là. Le pire souvenir? Ben en fait, j'ai pas un pire souvenir de radio. Hein. J'ai aimé toutes les radios sur lesquelles j'ai bossé. Il y a des moments un peu difficiles, il y a des moments où c'est un peu tendu. Mais j'ai pas de pire souvenir. Franchement, là, je suis extrêmement sincère. Et enfin, pour finir, un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire de la radio ? La passion, la curiosité. Faut tout le temps être curieux et passionné et vous réussirez. Toujours être curieux, passionné, curieux de tout. Et ne jamais se limiter à quoi que ce soit. On peut aimer le foot dans la vie et passionnément, mais faut aussi aimer la natation synchronisée et le golf. Et quand on veut faire ces métiers-là, hein, faut s'intéresser à tout, faut être curieux de tout. Voilà, c'est tout. Eh bien, merci Laurent Petit-Guillaume. Merci Eddy. Merci pour ce partage radiophonique, c'était très passionnant. Merci à Emmanuel également de l'autre côté de la vitre. Bravo. Qui a tenu les rouages de cette émission. Et quant à nous, on se retrouve dans un mois sur les ondes de Fréquence Protestante. D'ici là, n'oubliez pas, l'émission est à retrouver en podcast sur fréquenceprotestante.com et sur les réseaux sociaux de la mécanique des ondes.